Jusqu'où l'être humain peut-il être exploité psychologiquement? En d'autres termes, quand et à quel point, au cours de son évolution, peut-il avoir une paix permanente dans son esprit? Voilà une question profondément particulière à l'expérience existentielle de l'homme. Où et quand et sous quelles conditions l'homme peut-il devenir libre dans le sens absolument intelligent du terme? Tant que l'ego est inconscient, c'est-à-dire pendant la période involutive de sa vie, il n'y a aucune chance de se libérer, puisque l'inconscient ou l'inconscience égoïque et l'involution de l'ego ont une même équivalence. Mais dès que l'ego commence à prendre conscience, c'est-à-dire qu'il commence à réaliser en termes de plus en plus clairs l'absolue dimension de son mental, il se produit en lui un transfert de conscience, c'est-à-dire un apport de conscience de moins en moins associé aux phénomènes psychologiques. Et cet apport de conscience de plus en plus réalisé devient graduellement son centre de force vis-à-vis les formes les plus bâtardes que peuvent construire en lui les forces subtiles et puissantes de l'astral, c'est-à-dire de ce plan de vie qui n'a de puissance qu'en fonction de l'ignorance de l'homme, dont il ne peut être libre dans sa vie que lorsqu'il a un plan d'évolution mentale suffisamment avancé pour lui permettre d'absorber une vibration qui dépasse l'ancienne vibration planétaire de la conscience humaine. L'exploitation psychologique de l'homme n'est pas un phénomène humain, mais plutôt un phénomène spirit dans l'homme. L'homme n'est pas conscient du phénomène spirit en lui, car il ne connaît pas les lois de l'univers. Il ne connaît que les lois de la matière. Or, la compréhension de ces lois est nettement insuffisante pour permettre à l'homme de vivre une vie intégrée, une vie en harmonie intérieurement et extérieurement. Or, l'exploitation de l'être humain continuera sur le globe tant que l'homme n'aura pas réussi à convertir ce pouvoir spirit en lui qui l'astralise par un pouvoir mental à toute épreuve, un pouvoir mental tellement puissant que la moindre pensée subjective ne pourra briser ou rompre le champ de force qui unit ou devrait unir tous ses principes afin de lui donner le pouvoir dont il a de besoin pour élever la conscience de sa race. Si l'homme est exploité psychologiquement par le pouvoir spirit en lui, il est à la merci d'intelligences qui déjà le possède sur des plans parallèles où l'espace-temps coïncide avec ce que nous appelons le monde de la mort. Le monde de la mort est un espace-temps. Ce n'est pas un monde imaginaire. Le monde matériel aussi est un espace-temps. Ça non plus, ce n'est pas un monde imaginaire. Cependant, l'espace-temps matériel est sous le contrôle spirit de l'espace-temps astral, parce que l'homme n'a pas encore réussi à élever le taux vibratoire de son mental. Il faudra que l'être humain transcende les limites psychologiques de sa vieille conscience, de son vieil ego, pour briser les liens avec la mort et rompre le pouvoir exploitatif du monde spirit contre l'homme. La limite psychologique de l'être humain est maintenue par le phénomène dit de la crainte. La crainte étant une vibration issue du plan astral pour empêcher une trop grande autonomie de l'esprit humain dans la matière. Ceci pour des raisons très intéressantes. L'être humain, en fait, est un être spirit descendu dans la matière, mais voué à la mort, tant qu'il n'a pas rompu son lien avec l'espace-temps astral. Mais il s'avère que plus l'homme évolue, plus le pouvoir spirit en lui diminue, car plus il apprend à reconnaître le mensonge, qui n'est en fait qu'une façon au monde spirit astral de continuer son exploitation psychologique de l'homme afin d'empêcher la rupture de la chaîne d'incarnation qui permet à ce monde d'influencer l'homme dans la matière à son profit. Le passage d'un espace-temps à un autre est une condition de fond de toute expérience cosmique, que ce passage soit d'un plan plus élevé vers un plan plus bas ou vice-versa. Comme il est impossible aux intelligences spirites du plan astral de passer au plan mental, ils sont obligés de passer à un plan plus bas pour exprimer leur créativité. Donc, la matière est d'extrême importance pour elles, et leur exploitation de l'homme sur le plan émotif et mental leur permet de maintenir le lien avec la matière, par voie de réincarnation ou simplement par voie d'influence. Mais il y a des limites à leur exploitation de l'homme, et cette limite est déjà enregistrée aujourd'hui par le fait que la pensée supramentale sur la Terre commence à démystifier l'invisible, bien que ce travail soit encore à ses débuts. La démystification de l'invisible donnera à l'homme les outils nécessaires pour transiger avec les forces spirites en lui et briser leur pouvoir d'exploitation psychologique qu'elles ont sur son mental. Mais ce nouveau cycle ne fait que commencer et le plus grand combat n'est pas encore entamé. L'homme a toujours conscience que la mort était l'expérience inévitable après sa vie matérielle. Et ceci voile un des grands mythes de la vie après la vie. Car la mort ou le retour à l'espace-temps spirite est un facteur d'involution et non un aspect inévitable de la réalité cosmique ou intermondiale de l'homme. Mais l'exploitation psychologique de l'homme par le monde spirite ou spirito-astral fut d'une telle puissance pendant des millénaires que l'homme a oublié son origine. Il croit encore aujourd'hui qu'il vient originellement du monde de la mort lorsqu'en fait, il vient du monde de la vie intemporelle. Mais les portes de ce monde lui sont fermées depuis qu'il a perdu contact avec sa propre intelligence. Perdre contact avec sa propre intelligence est un des grands fardeaux de l'inconscience humaine et colore totalement la vie existentielle de l'homme depuis qu'il fut chassé du monde de cette vie intemporelle qu'il connut avant l'évolution. Est-ce que l'homme possède sa propre intelligence, absolument parlant? La réponse est positive. Autrement dit, l'homme conscient a accès à la lumière de son esprit dès qu'il a commencé à pénétrer les mystères et réussi à traverser le monde spatio-temporel de l'astral. L'exploitation psychologique de l'homme par les intelligences spirites doit le mener un jour ou l'autre à la mort ou à la rébellion de son esprit contre cette exploitation. Une étude et une science profonde lui est donnée pour l'instruire dans ce combat. S'il réussit à s'élever au-dessus de cette exploitation, une autre vie l'attend au-delà de la vie matérielle. L'exploitation de l'homme par le monde spirite de l'espace-temps astral est tellement puissante et tellement lourde de conséquences que l'homme de l'involution est incapable de savoir par lui-même, sans l'aide de personne, où, quand et comment et pourquoi il se fait qu'il soit ce qu'il est. Autrement dit, l'exploitation de l'homme de l'involution est le produit le plus intolérable de l'influence d'un monde étranger à la Terre par des êtres qui n'ont que le souvenir attachant de la Terre comme crédit de vie terrestre. Et ce seul crédit est suffisant pour garder l'homme inconscient de l'involution, prisonnier au-delà de sa propre conscience de l'être. Pourquoi? Parce que l'exploitation est fondée sur un principe de fond, mais très subtil, la peur, la crainte, l'angoisse, l'inquiétude, etc. Tous les aspects négatifs de l'intelligence créative de l'homme. Que veut dire intelligence créative? Intelligence créative veut dire intelligence qui ne se nourrit de rien. Intelligence qui ne se nourrit de rien, qui soit mémoire. Intelligence qui ne se nourrit que d'elle-même, que de sa propre lumière. Où l'ombre de la crainte, de la peur et de l'inquiétude n'existe pas. L'exploitation psychologique de l'être humain est due à l'incapacité chez l'homme de l'involution de penser par lui-même, sans aucune référence extérieure. Autrement dit, à partir de l'énergie de son propre esprit, non influencé par la pensée des autres. L'esprit de l'homme, sa conscience pure, peut facilement trancher toutes les questions de relativité de valeur qui ont été accumulés au cours des siècles et qui ont servi à donner à l'être humain une raison d'être, de vivre et de penser en fonction d'une conscience sociale collective, au lieu d'une conscience créative individualisée. Donc, l'exploitation psychologique de l'homme devenait inévitable par le fait même d'être obligé de penser en conformité avec la société, au lieu de penser universellement en conformité avec les lois de la vie et de l'intelligence créative communes à tous les hommes, mais aussi restreinte chez tous les hommes à cause de l'impuissance de la conscience de l'involution. L'exploitation psychologique de l'homme se terminera lorsque ce dernier aura appris à ne pas avoir peur des idées qui viennent de lui-même et qui ne peuvent être reconnues que par d'autres êtres humains qui sont sur une longueur d'onde universelle comme lui. Une évolution profonde s'est déjà faite sur le plan mental de l'humanité moderne, de telle sorte qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, l'être humain, l'individu, est capable de récupérer les forces créatives intérieures qui ont toujours été bloquées dans le passé par les formes spiritualisantes ou conformistes de la conscience sociale. Encore trop primitive dans ses comportements individuels, dans ses composantes individuelles, pour redresser le niveau d'intelligence de l'humanité ambiante. Mais même aujourd'hui, alors que l'individu, dans les pays les plus libres, a la capacité de vivre plus près de son propre esprit, il n'a pas encore pris conscience de ce dernier. Donc, alors que l'homme aujourd'hui a plus de possibilités de s'interroger sur la nature de la réalité, de sa réalité, il n'a pas encore suffisamment de pouvoir intérieur pour transpercer l'épaisse couche de mémoire qui sert de toile de fond pour l'intelligence de son ego. L'être humain, encore aujourd'hui, malgré les grands changements sociaux, n'est pas autosuffisant dans le mental. Et l'autosuffisance mentale est une condition essentielle au développement éventuel d'une conscience supérieure, fondée sur l'esprit de l'homme au lieu de la mémoire sociale de l'homme. Pourquoi le pouvoir existe-t-il? Parce que l'homme ne le possède pas en lui-même. Donc, il doit être possédé et utilisé contre lui. Il y aura des pauvres sur la terre tant qu'il n'y aura pas d'intelligence créative libre chez l'homme. L'exploitation psychologique de l'homme est un des grands drames de l'humanité, un des grands meurtres de l'homme. L'homme a passé tellement de siècles à se préoccuper de Dieu qu'il s'est oublié lui-même et il s'est affaibli. Le concept de Dieu ou d'un Dieu quelconque l'a rempli d'un souffle qui ne lui apportait rien d'autre que de l'espoir. Et tant que l'homme vivait d'espoir, il était aux mains du pouvoir. Il était exploité psychologiquement. Donc, il ne pouvait formuler ses propres conditions de vie. C'est l'histoire de l'homme. L'histoire des rois, des maîtres et des esclaves. L'exploitation psychologique de l'homme a donné naissance à la culture sociale et cette culture en retour a permis à l'homme d'évoluer car la culture, à cause de ses imperfections, a forcé l'homme à se dépasser lui-même, à aller plus loin que les limites exploitatives de sa conscience humaine. Ceci, nous appelons l'histoire. Et tant que l'homme n'aura pas reconnu que son intelligence créative est libre de l'histoire et de la culture, il ne pourra comprendre la nature de cette intelligence créative en lui et perdra contact avec son propre pouvoir. Le pouvoir dans le passé, et encore aujourd'hui, était maintenu hiérarchiquement. Demain, lorsque l'homme sera homme dans le sens vrai du mot, lorsqu'il sera intelligent créativement, lorsqu'il sera dans son pouvoir, le pouvoir viendra de lui et fera obéir la pierre, car le pouvoir sera le produit de l'action de la lumière à travers son être perfectionné. L'exploitation psychologique n'existera plus pour lui, car il sera trop intelligent pour être stupide. Tant que l'homme ne reconnaît pas ou ne peut reconnaître sa relation avec lui-même, absolument, il ne peut comprendre pourquoi il est sur le plan matériel. Donc, il n'a pas conscience de sa destinée. Donc, il n'a aucun pouvoir. Et si l'homme ne possède pas un certain pouvoir interne, il est susceptible d'être exploité psychologiquement, car il se sentira obligé de croire que l'humanité ambiante a raison, lorsqu'en fait, la civilisation de l'humanité n'est que le produit de plus en plus raffiné des forces exploitatives de l'ignorance de l'homme. Il y a parmi toutes les forces sociales qui exercent leur pression contre l'homme une dominante, une constante, et cette constante est exploitative, car elle provient d'un niveau de conscience qui n'est pas pur, mais exposé à toutes les forces nocturnes de la conscience collective humaine. L'exploitation psychologique de l'homme ne peut s'arrêter qu'au seuil de la conscience individualisée de l'homme, qu'au seuil de la conscience cosmique ou universelle de l'homme. À partir de ce point, dans l'évolution, l'être humain ne fait que passer à travers l'histoire. Il ne s'y mélange plus. Il va son propre chemin selon le pays ou l'espace qu'il occupe. Ici, l'exploitation psychologique n'est plus possible car il ne croit plus rien. Il ne sait que ce qu'il sait. Et toutes les questions existentialistes ou toutes les idéologies ne sont pour lui que de la poussière mentale. L'exploitation psychologique de l'homme n'est pas seulement d'ordre planétaire, elle est aussi d'ordre intérieur. Et c'est cet ordre d'exploitation intérieure qui collabore souvent avec l'ordre planétaire. Et l'homme doit voir à travers le jeu, car tant que l'esprit n'est pas libre chez l'homme, il ne peut donner à ce dernier le bénéfice de son activité créative en lui. La nouvelle évolution sera plus facile sur le plan matériel, mais plus difficile sur le plan mental, car les forces psychiques de l'homme veulent percer à travers sa conscience égoïque et éclater dans le monde de la forme, de la matière, pour changer la face du monde. Il faut que l'homme réalise qu'il n'est pas seul dans le cosmos, qu'il y a d'autres intelligences qui doivent fondre avec lui leur activité afin d'élever le taux vibratoire de la conscience de l'humanité. Nous avons parlé de l'exploitation psychologique de l'homme sur le plan externe. Maintenant, nous devons parler de l'exploitation psychologique de l'homme sur le plan interne. Et cette exploitation psychologique ne cessera que lorsque l'homme aura suffisamment engendré de force en lui pour neutraliser l'effet de l'activité émotive sur son mental. Tant que l'homme n'aura pas pu transformer sa réalité psychologique en réalité créative, il ne pourra comprendre la différence entre l'involution et l'évolution. Et ne comprenant pas ceci, il ne pourra décomposer l'effet accumulatif millénaire de la mémoire sur son intelligence créative. Il ne pourra jamais être libre dans le sens cosmique du terme. Il ne pourra jamais être bien dans sa peau, car sa peau sera toujours teintée des couleurs de l'ancienne conscience millénaire. L'exploitation psychologique de l'homme est un phénomène planétaire et millénaire. Il perdra de l'intensité au fur et à mesure que la conscience subjective de l'homme sera remplacée par une conscience objective, et cette dernière ne sera présente dans l'homme que lorsque les forces de la conscience supramentale auront fait leur pénétration dans la conscience humaine. L'exploitation de la conscience humaine reflète la nature du rapport entre l'ego et ses pensées. Tant que ce dernier croit que ses pensées sont nées de lui, il ne peut plus convenir avec la réalité de son esprit. Il est alors obligé de s'interroger constamment pour savoir s'il a raison, alors que s'il était conscient, il s'occuperait de vivre créativement au lieu de perdre son temps à essayer de comprendre des choses qui sont déjà comprises de son esprit. Il vivrait au niveau de son intelligence créative et vibratoire, au lieu de vivre sur le plan psychologique d'une conscience conditionnée par la mémoire et par des désirs personnels. Mais l'homme n'est pas seulement exploité psychologiquement par l'homme, il est aussi exploité psychologiquement par les intelligences qui canalisent à travers lui une certaine information, soit une certaine connaissance. Et l'homme doit apprendre à se méfier de cette information, car elle sert à le faire évoluer en dehors de la sphère d'influence humaine, pour l'amener à évoluer à l'intérieur d'une autre sphère d'influence, mais plus occulte, plus ésotérique. Et seule la pleine lucidité de son rapport avec ses forces internes peut l'empêcher d'être exploité psychologiquement et occultement à la fois. L'homme est à ses premières armes vis-à-vis les forces intelligentes des plans parallèles. Il comprendra avec l'expérience que ces forces ont le pouvoir sur lui jusqu'à ce qu'il leur arrache. Donc, nous découvrons que l'homme est exploité par l'homme à cause de son ignorance et qu'il est exploité plus tard par les intelligences qui évoluent dans des espaces-temps plus rapides que le sien. Donc, plus puissant et plus influent que le sien. Et l'homme doit apprendre à contrôler cette exploitation occulte de son mental afin de prendre un jour le contrôle de son esprit. L'exploitation occulte du mental humain est une expérience que connaîtra l'homme de demain qui prendra conscience du niveau supramental de son intelligence. La sixième race racine sera très consciente à ses débuts de cette exploitation occulte de son mental. Elle souffrira pour cette raison. Mais de cette souffrance, elle développera une lucidité dans l'intelligence qu'aucune race humaine auparavant n'avait connue avec autant d'acuité et de force. L'exploitation occulte du mental humain suivra l'exploitation psychologique inconsciente de l'homme. Et cette dernière phase du combat humain avec le mensonge, sous toutes ses formes, mènera l'homme au pouvoir de sa pensée. L'exploitation occulte du mental humain est la plus difficile phase de la transmutation de son mental, car l'ego vit sous une pression psychique de plus en plus réelle. Et cette pression psychique, syntonique avec son énergie mentale, est une énergie mentale supérieure, créant une rupture du pouvoir de l'émotion sur le mental humain. Et c'est cette condition future de la race racine qui permettra à l'homme conscient de passer à travers les conséquences de l'involution, c'est-à-dire les fléaux de la fin du cycle. L'exploitation psychologique se fait par l'entremise de l'homme, tandis que l'exploitation occulte du mental humain se fait à partir du plan mental en lui. Et ce n'est que le temps et la résistance émotive et mentale qui lui permettra de passer à travers cette dernière phase initiatique de l'humanité. L'exploitation psychologique a servi les forces de l'involution. L'exploitation occulte mentale favorise les forces de l'évolution. Et dans les deux cas, l'homme est le perdant jusqu'à ce qu'il ait atteint un niveau d'intelligence autonome, intelligence totalement lucide, libre de tout voile. Une telle intelligence ne peut lui être conférée. Il faut qu'il la souffre pour l'atteindre, car elle est trop subtile, trop grande, trop profonde, trop réelle. Pour que l'homme la connaisse, il faut qu'il s'imprime d'elle vibratoirement. Et pour qu'elle s'imprime en lui, il faut qu'il la vive dans la souffrance qui s'attache à l'action où la lucidité était absente. L'exploitation psychologique de l'homme a créé le fossé entre la conscience pure et la conscience planétaire, la conscience créative et la conscience expérimentale. L'exploitation occulte du mental humain remplira ce fossé et permettra à l'homme de parfaitement comprendre les dimensions de l'exploitation psychologique qui a assujetti l'humanité depuis des millénaires. C'est pourquoi il faut comprendre l'exploitation occulte du mental humain comme le stage final du perfectionnement du mental de l'homme qui mènera ce dernier à la liberté totale de son psychisme. Et cette liberté sera la mesure de son pouvoir intérieur et occulte. Tant qu'il y aura de la spiritualité dans le mental humain, il y aura possibilité d'exploitation occulte à partir des plans supérieurs de sa conscience cosmique. Et tant que cette conscience cosmique ne sera parfaitement réalisée en lui, à la mesure de son propre pouvoir de fusion, l'être conscient de la nouvelle évolution sera testé dans le feu de l'expérience irrationnelle. L'exploitation psychologique de l'homme est moins évidente que l'exploitation occulte, car elle est fondée sur une approbation par la majorité silencieuse, de la forme, de la vérité ou du mensonge. Tandis que l'exploitation occulte du mental humain se réalise très tôt, puisque déjà l'homme qui la vit doit en souffrir dans l'immédiat, car ici la souffrance sert à la transmutation du mental, tandis que dans le cas de l'exploitation psychologique, c'est l'expérience humaine qui est en jeu, non pas la fusion de l'être cosmique avec l'être planétaire. L'exploitation psychologique de l'homme se réalise soit par l'éducation, l'évolution de la pensée personnelle. L'exploitation occulte du mental humain se réalise par contre par la souffrance vibratoire qu'elle crée chez celui qui en est le porteur. L'être humain n'a plus à être exploité. Ce cycle est terminé, mais pour ne plus l'être, il lui faut transcender la nature psychologique de son mental pour entrer dans la nature vibratoire de ce dernier et décupler les forces qui sont cachées en lui. Et ceci est une expérience totalement nouvelle pour l'homme. Bien qu'elle mène à la lucidité, elle ne peut être communiquée. Elle ne peut être découverte que par la souffrance, et cette dernière est la seule chose qui lui déplaît absolument. Et c'est la seule chose qui libérera l'homme de son apathie psychologique. Donc, la souffrance qui déplaît à l'homme absolument est l'outil dont il se servira demain pour se libérer absolument de son apathie psychologique, c'est-à-dire de sa capacité d'être influencé, d'être exploité psychologiquement, socialement, ou d'être exploité occultement par les forces internes du mental supérieur. L'exploitation psychologique de l'homme lui a permis de développer de l'émotion. L'exploitation occulte de son mental lui permettra de développer le mental supérieur. Et tant que l'homme n'aura pas été libre des deux formes d'exploitation, il ne pourra pas être libre dans son esprit, car il ne pourra comprendre tous les aspects de la forme, c'est-à-dire le vrai et le faux de la forme. Il est évident que l'homme doit être redéfini pour que l'on puisse aller plus loin dans la perception de sa relation avec la vie. Il doit être redéfini en fonction de l'appréciation que lui-même a de la vie, non en fonction de l'exploitation psychologique ou de l'exploitation occulte, mais en fonction de sa lucidité absolue. L'être humain est capable et doit découvrir ce que l'on appellera demain, dans la psychologie de l'homme, le centre volontaire de sa conscience. Ce centre volonté de sa conscience nouvelle lui permettra de ne plus se sentir hors la loi de la vie. Il y a quelque chose dans l'homme inconscient qui l'empêche de se sentir à l'intérieur des lois de la vie. Il y a un petit quelque chose qui lui donne l'impression qu'il n'est pas capable de sentir tout de lui-même, de se sentir au centre de lui-même, de se sentir à partir de lui-même, et cette sensation est à la base de son insécurité psychologique. Tant que l'homme est hors la loi de la vie, c'est qu'il est victime de l'exploitation psychologique ou de l'exploitation occulte de son mental. Donc, il n'a pas accès à la lucidité qui est l'expression intelligente de son centre-volonté. Le centre-volonté de l'homme, c'est un peu le pouvoir de l'homme sur les caractéristiques planétaires de sa naissance. C'est cette force en lui qui lui permet de transformer un programme de vie astral, plan de vie inconscient, en une volonté de vie mentale consciente. L'exploitation de l'homme sur les deux plans, tel qu'expliqué ici, est la base de l'inquiétude qui sévit chez l'être humain, sous maintes formes, et qui l'empêche d'élever le taux vibratoire de son mental pour goûter de cette force intérieure de vie que l'on appelle le centre-volonté. Le centre-volonté est une sorte de lucidité créative intérieure qui désengage l'ego de cette pellicule qui lui colle toujours à la peau et que l'on reconnaît comme un malaise quelconque, le fameux malaise existentiel. Si l'homme avait un centre-volonté très développé, il ne pourrait sentir ce malaise qui couvre sa conscience tous les jours, car le centre-volonté aurait l'attribut, si vous voulez, de neutraliser en lui l'émotion et le mental inférieur qui nourrissent l'inconscience dans ce malaise. Mais pour bénéficier de ce centre-volonté, il faut ne plus être exploitable psychologiquement, ni exploitable occultement sur le plan mental. Il faut être totalement lucide, et la lucidité n'est pas une qualité humaine planétaire. Elle fait partie du pouvoir intérieur et cosmique de l'homme, pouvoir qui grandit avec le développement du centre-volonté, chez celui qui a grandi et s'est développé au fur et à mesure qu'il a compris que tout doit être à sa mesure dans la vie, absolument tout. Sinon, il est vampirisé et perd son énergie. Il est à la merci de l'extérieur, il est à la merci de l'intérieur, et ceci peut être très dangereux et dévitalisant pour l'homme, car l'homme, à cause de sa générosité et de sa spiritualité et de son idéalisme, est automatiquement une proie facile à ces deux formes externes et internes d'exploitation. L'exploitation occulte du mental humain, pour les êtres conscients, est une expérience qui n'a aucune limite psychologique. Donc, cette exploitation va beaucoup plus en profondeur que l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme. Ce n'est plus l'ego qui est la mesure de cette exploitation, mais l'esprit. Donc, l'homme, l'ego, doit rapidement se raviser de son rapport avec l'esprit, et c'est ici, s'il est capable de le faire, qu'il commence à développer de la lucidité. La lucidité sera reconnue par l'être conscient comme la plus importante des qualités d'esprit de l'homme et aussi le plus important facteur de vie chez l'être conscient. La lucidité n'existe pas chez l'être inconscient, car il ne connaît pas les lois occultes de l'esprit, de l'intelligence, de la pensée. Donc, il est simplement en quête d'expérience inconsciente. Tandis que l'être conscient n'est plus en quête d'expérience inconsciente. Il est en quête d'une paix absolue qui grandit avec son pouvoir sur la matière. Paix qui n'est plus définie psychologiquement, mais perçue vibratoirement, par et en fonction de son centre-volonté. Le centre-volonté de l'homme, c'est l'aspect absolu de la conscience humaine, à l'intérieur d'un autre aspect absolu que l'on appelle l'être de lumière dans l'homme, c'est-à-dire l'esprit libre de l'homme. Ce centre absolu, c'est l'ultime définition de l'homme. Mais ce centre-volonté ne peut être reconnu en lui que lorsqu'il l'a atteint suffisamment pour réaliser que sa qualité psychologique vibratoire dépend l'une de l'autre, que l'une n'est pas indépendante de l'autre et que Tous les deux aspects doivent être équilibrés pour que la conscience du centre-volonté éclate dans l'être humain, l'immunisant pour toujours contre l'expérience psychologique de l'homme contre l'homme ou l'exploitation occulte de son mental par des forces indépendantes de lui. Le développement du centre-volonté est une nouvelle constante dans l'évolution de la conscience humaine et les forces opposées vibratoirement à cette nouvelle conscience sont très puissantes car elles ne peuvent plus être actives dans l'homme lorsqu'il a atteint un niveau suffisant de développement de ce centre-volonté. Il n'y a pas de terme pour définir ou encadrer le centre-volonté ou cet état d'esprit qui prime chez l'être humain complet. C'est une condition intime et interne d'équilibre d'énergie entre le plan mental supérieur et les autres plans de l'homme. Donc, l'expérience psychologique de l'homme a servi à créer une culture sur la Terre. L'exploitation, par contre, psychologique et occulte de son mental servira à créer un mental supérieur puissant dans l'homme. De ces deux exploitations, l'homme sortira vainqueur de la lutte pour son esprit, par les forces astrales qui l'auront exploité psychologiquement, et vainqueur contre le pouvoir de l'esprit sur lui, qui l'aura pénétré pour élever sa conscience et lui donner le pouvoir de sa propre lumière. Ainsi se termine la vieille histoire de l'homme, c'est-à-dire d'exploitation psychologique, et commence la nouvelle exploitation psychologique de l'homme, celle de son mental, pour l'amener inévitablement à une nouvelle étape de son évolution cosmique sur la Terre. L'homme devra réaliser que l'exploitation psychologique occulte de son mental est la dernière des phases de l'évolution. Et de cette évolution, il pourra renaître, c'est-à-dire reprendre le contrôle des forces en lui qui, à son origine, l'avaient projeté dans la matière. L'homme réalisera que une fois libre de l'exploitation psychologique sociale et de l'exploitation occulte de son mental, il est un homme complet, c'est-à-dire qu'il est capable d'affronter la lumière et qu'il est capable de travailler avec elle et de transmuter son pouvoir et de le faire descendre dans la matière pour que se crée sur le plan matériel une nouvelle civilisation. Mais tant que l'homme n'aura pas réalisé que l'exploitation psychologique occulte de son mental est une condition initiatique, il ne pourra pas comprendre la relation entre son devenir et son présent, car il aura l'impression que son présent est déjà son devenir, lorsqu'en fait son devenir est totalement autre et totalement différent de son présent. Pour que l'homme entre dans son devenir, il faut que son présent soit élevé en conscience. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans son présent une présence d'esprit tellement grande que l'esprit astralisé de son passé, c'est-à-dire l'esprit qui contenait encore de la qualité émotive et mentale inférieure, doit être totalement éliminé de sa conscience afin qu'il puisse avoir une conscience totale, parfaite et absolue de son être. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à comprendre les attributs et les qualités fondamentales de la conscience supramentale et qu'il commencera à réaliser que la conscience supramentale est beaucoup plus que ce qu'il croit et va beaucoup plus loin que ce qu'il connaît. Si l'homme a été exploité psychologiquement, c'était pour développer son ego. Si l'homme est exploité occultement au niveau de son mental, c'est pour développer sa conscience supérieure. Mais l'homme doit un jour sortir de ces deux formes d'exploitation afin de lui-même commencer à exploiter le potentiel infini de son énergie, afin de devenir un être de main scientifique, c'est-à-dire un être qui est capable de commander aux différents paliers de la nature, de commander aux différents plans d'intelligence et de se servir de l'intelligence qu'il aura commandée et qu'il aura fait descendre dans la matière pour qu'il puisse se donner sur le plan matériel et sur d'autres plans une condition de vie et d'évolution qui coïncide avec la nobilité de l'intelligence, c'est-à-dire avec le perfectionnement et la perfection de cette dernière intelligence. Autant l'être humain a été naïf pendant l'évolution au niveau ou sur le plan de l'exploitation psychologique, autant l'être humain conscient sera naïf pendant un certain temps, pendant l'évolution, en ce qui concerne l'exploitation occulte de son mental. Et ce n'est que la souffrance qui lui permettra de reconnaître cette naïveté et de la tuer une fois pour toutes. Ce n'est que l'expérience qui lui permettra de réaliser qu'effectivement son centre-volonté est une réalité cosmique, que ce centre-volonté est la manifestation de la conscience cosmique sur le plan matériel, à travers son ego. Il y a énormément de dimensions de la conscience humaine que l'homme découvrira au fur et à mesure qu'il avancera dans la conscience cosmique. Et ces dimensions qu'il découvrira seront des dimensions qu'il réalisera comme étant nécessairement le produit inévitable de l'éclatement en lui du centre volonté. Et il verra que ce centre volonté ne peut pas exister en lui tant qu'il n'y a pas une conscience suffisamment lucide pour faire éclater les formes qui permettent l'exploitation psychologique ou l'exploitation occulte de son mental. Mais l'homme doit réaliser que l'exploitation occulte de son mental est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus subtile que l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme. Parce que cette exploitation, comme il a été dit auparavant, est l'exploitation de l'esprit. Et si l'esprit exploite l'homme, ce n'est pas pour des raisons d'inconscience, ce n'est pas pour des raisons planétaires, c'est pour des raisons cosmiques. Mais si l'esprit exploite l'homme occultement sur le plan mental, il faut que l'homme devienne suffisamment lucide pour réaliser ceci, comme il est devenu de plus en plus intelligent pour réaliser l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme. Sinon, l'homme en arrivera jamais un jour à contrôler l'énergie de l'esprit et à se donner le pouvoir sur la Terre. L'être supramental de la nouvelle génération sera un être totalement différent de l'être ancien. La nouvelle humanité sera totalement différente de l'ancienne humanité. Et autant l'exploitation psychologique a servi l'histoire dans le passé, autant l'exploitation occulte du mental humain demain ne pourra plus servir l'histoire, donc elle ne pourra plus servir non plus les archives. Il faudra donc que l'homme apprenne rapidement, dans une période de temps suffisamment courte, comment trafiquer avec l'esprit, comment dealer, comme nous disons en anglais, avec l'esprit, afin de se rapprocher de plus en plus de lui-même, c'est-à-dire afin de développer en lui-même un centre volonté de plus en plus puissant, de plus en plus présent, et de bénéficier éventuellement de ce centre volonté. Car c'est le centre volonté chez l'homme qui lui permettra de dire un jour qu'il est heureux sur la terre. C'est ce centre volonté qui lui permettra un jour de dire qu'il est heureux sur la terre. Et tant que l'homme n'aura pas ce centre volonté, il ne pourra pas dire qu'il est heureux sur la terre, parce qu'il y aura toujours des voiles, que ce soit des voiles qui sont créés en fonction de l'exploitation psychologique du mental, de l'homme par l'homme, ou que ce soit des voiles qui soient créés par l'exploitation occulte du mental humain par l'esprit, ce sont des voiles, quand même. Et l'homme devra voir à travers les voiles. Il devra voir à travers tous les voiles. Et c'est lorsqu'il pourra voir à travers tous les voiles qu'il lui sera possible de dire qu'il est heureux sur la terre, que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais il y a dans l'exploitation occulte du mental humain une différence avec l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme. C'est que dans cette dernière, l'esprit est tellement puissant que l'homme doit développer la force. La force et la puissance d'aller contre lui. Ce n'est pas dans le fait que l'homme va contre l'esprit. L'homme ne peut pas aller contre l'esprit. Mais l'homme peut aller contre l'impression qu'il a que l'esprit lui crée une certaine souffrance. Et cette impression qu'il a que l'esprit lui crée une certaine souffrance est une impression réelle, donc l'homme doit neutraliser cette impression créée par l'esprit en lui. Et lorsqu'il est suffisamment puissant pour aller au-delà de cette impression, pour contrôler l'énergie de cette impression, automatiquement il intègre l'esprit en lui. Automatiquement il apporte en lui une énergie nouvelle qui lui permet d'être de moins en moins affecté, c'est-à-dire exploité occultement par l'esprit. Il est évident que l'esprit ne se sert pas de l'homme contre le bien-être de l'homme. L'esprit se sert de l'homme pour son évolution. Mais pour que l'homme en arrive à bénéficier du contact ou de sa relation avec l'esprit, il faut qu'il comprenne les lois de l'esprit. Mais il ne peut pas comprendre les lois de l'esprit tant que ces lois ne lui sont pas expliquées. Donc, l'initiation aujourd'hui est maintenue, protégée, par une instruction. Elle est maintenue par une instruction et elle est protégée par une instruction. Mais il faut que l'homme qui est en initiation, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme qui est en voie d'évolution rapide, comprenne que, éventuellement, il devra neutraliser en lui ces aspects de lui-même qui sont anti-homme, qui sont spirituels et qui sont pour d'autres aspects de lui-même que pour lui-même. L'homme doit tout récupérer. L'homme doit tout ramener à lui. Et lorsque l'homme aura tout ramené à lui, il aura ramené à lui le pouvoir. Mais si l'homme ne ramène pas tout à lui, comment voulez-vous que l'homme demain ait le pouvoir? Ce n'est pas l'esprit qui va lui donner le pouvoir. Ce ne sont pas les entités, les intelligences sur d'autres plans parallèles qui vont lui donner le pouvoir. Il faut que lui aille chercher le pouvoir. Parce que si on lui donne le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir réel. Donc, ce n'est qu'une autre forme de manipulation. Mais si l'homme va chercher lui-même le pouvoir, il va le chercher parce qu'il est capable d'aller au-delà de l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme et au-delà de l'exploitation occulte du mental de l'homme par l'esprit de l'homme. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à décrocher le pouvoir, que l'esprit entre de plus en plus en lui et que la lumière est de plus en plus présente dans son mental et qu'il peut, avec le temps, de plus en plus commander aux différents éléments de la nature, de plus en plus commander aux différentes intelligences dans la nature qui s'occupent de l'évolution du cosmos et de l'organisation et de la planification des plans de vie à toutes les échelles de la création. Donc, l'exploitation occulte du mental humain par son esprit doit être réalisée profondément, et ce n'est que dans l'expérience que l'homme ne pourra le réaliser profondément, car l'homme est incapable de saisir quoi que ce soit par la parole. Il peut comprendre quelque chose par la parole, mais ce n'est que dans l'expérience qu'il peut saisir quelque chose réellement, parce que c'est dans l'expérience qu'il vit la vibration, donc qu'il vit la souffrance qui est liée à l'esprit. Parce que la vibration, l'énergie de la vibration, lorsqu'elle passe dans l'homme, crée des chocs dans ses corps. Et ces chocs créent une réalisation, et cette réalisation amène l'homme éventuellement à dépasser le stade naïf de sa conscience pour l'amener dans le stade mûr de sa conscience où il n'est plus exploitable occultement sur le plan mental par son esprit. Cet homme est dit heureux. On dit de lui qu'il est un homme heureux, qu'il est un homme plein, qu'il est un homme complet. L'homme n'a jamais réalisé qu'il doit récupérer tout, parce qu'il n'a jamais réalisé qu'il a le pouvoir de récupérer tout. L'homme a toujours été un peu dans le rouge. Il lui a toujours manqué quelque chose. Et ce quelque chose est quelque part dans le cosmos. Ce quelque chose, il est quelque part dans sa conscience. Donc, il doit le récupérer. Et lorsqu'il aura récupéré ce quelque chose, il ne manquera plus de rien. Et à partir de ce moment-là, l'homme sera bien. Mais tant qu'il n'aura pas récupéré ce quelque chose, parce qu'il y aura en lui encore un peu d'exploitation psychologique ou d'exploitation occulte de son mental, l'homme ne pourra pas être bien dans sa peau. Il ne pourra pas comprendre parfaitement sa relation avec la vie, donc il ne pourra pas parfaitement comprendre la vie, donc il ne sera pas bien. Lorsque le pape Jean XXIII a dit que les enfants, que les fils de la lumière vivraient de grandes souffrances, il disait, sans le réaliser, que l'homme de demain, les fils de la lumière, connaîtraient une relation avec l'esprit tellement intense qu'automatiquement, les principes inférieurs de l'homme subiraient la pression de cette énergie, le choc de cette énergie, et que cette énergie créerait en lui une grande souffrance. Et effectivement, l'homme, à travers l'exploitation occulte de son mental, réalise aujourd'hui cette grande souffrance dont parlait ce grand pape de la chrétienté. L'homme doit réaliser aujourd'hui que le nouveau cycle qui vient devant lui est un cycle où la lumière, à cause de son intensité, à cause de sa puissance, lorsqu'elle descend dans les plans inférieurs de l'homme, fait éclater en lui d'anciennes mémoires. Et c'est l'éclatement de ces anciennes mémoires qui crée dans l'homme la grande souffrance de l'initié, du nouvel initié.